الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب لا يرد من سأل بالله chapitre numéro 54 on ne repousse pas quelqu'un qui demande quelque chose au nom d'Allah. لا يرد من سأل بالله لا هنا نافية بدليل رفع المضارع بعدها ويحتمل أن يكون هذا للتحريم ويحتمل أن يكون الكراهة مناسبة الباب لكتاب التوحيد عدم إعطاء من سأل بالله نقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وذلك مخل بالتوحيد فمن كمل توحيده وعظم مراعاته للأدب مع الله سبحانه وتعالى لا يرد من طلبه شيئا بالله عز وجل لأنه إذا سأل بالله فقد سأل بعظيم ومن عظم العظيم أجاب من سأل به لتاق رحمه الله تعالى a mis ce chapitre on ne repousse pas quelqu'un qui demande quelque chose au nom d'Allah a mis ce chapitre donc dans son livre Kitab al-Tawhid car le fait de refuser une chose à quelqu'un qui nous demande cette chose au nom d'Allah est un manque dans la considération qu'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que dans l'immensification qu'on lui doit et tout cela est un manquement dans le tawhid de la personne car celui qui a compléter son tawhid aura le meilleur des comportements avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'une personne nous demandera par Allah, la citation de ce nom est la citation la plus immense et a donc l'effet le plus immense dans le cœur du croyant. Cela fera bouger son cœur. Donc, ses membres suivront. Celui qui te demande par Allah a demandé par l'immense. Et celui qui immensifie l'immense répond à la demande qui est faite au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Azim. An ibn Umar radiallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ista'adha billahi fa'a'iduhu ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح ابن عمر رضي الله عنهما a dit et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui demande protection au nom d'Allah donnez-lui protection celui qui demande quelque chose au nom d'Allah répondez à sa demande et celui qui vous rend un service rendez-le lui et si vous ne pouvez pas alors invoquez Allah pour lui jusqu'à ce que vous pensiez que vous lui avez rendu l'équivalent du service qu'il vous a rendu. apporté par Abu Daoud et Nasa'i selon une chaîne de transmission authentique. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذه. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: celui qui demande protection au nom d'Allah, donnez-lui protection. أي من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم فأعيذوه أي امنعوا مما استعاذ منه تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. Donc si une personne demande protection auprès d'Allah contre un mal qu'elle craint de votre part, ou qu'elle vous demande, vous, de l'aider à repousser un mal d'une tierce personne, accordez-lui ce qu'elle a demandé. Donc mettez-la à l'abri de votre mal, ou bien défendez-la contre un mal à venir. Pourquoi? Car elle vous a demandé au nom d'Allah. Et par respect, considération de ce nom, ou bien de celui auprès duquel elle cherche protection, on lui accorde. On lui accorde. Donc si tu veux faire une chose à une personne et qu'elle demande protection au nom d'Allah, tu ne l'épargnes. Tu donnes suite à sa demande. Et si quelqu'un te demande de l'aide contre une autre personne au nom d'Allah, et que tu as la capacité d'éloigner un mal à venir, bi'idhnillah, tu le fais. Quand je dis un mal à venir, car nous sommes dans le domaine de l'isti'adha. L'isti'adha, le fait de chercher refuge contre un mal à venir. Quant à l'isti'adha, ou plutôt protection. Quant à l'isti'adha, c'est le fait de rechercher le secours contre un mal effectif. C'est une des différences entre ces deux demandes. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين استعاذت المرأة التي تزوجها لما اقترب منها قالت أعوذ بالله منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بمعا وفي رواية بعظيم الحقي بأهلك فعاذها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرج البخاري من حديث أبي أسيد. Le prophète صلى الله عليه وسلم a épousé une femme, et lorsqu'il s'est approché d'elle, elle a dit: je cherche refuge auprès d'Allah, ou protection auprès d'Allah contre toi. Il lui a immédiatement dit: tu as cherché protection auprès de l'immense. Tu vas chercher protection auprès de l'immense. Tu vas citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'Azim, par excellence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de revenir auprès de sa femme. Elle a cité le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a permis de repartir et s'est séparé d'elle. Yustathna min hadha, من استعاذ بالله سبحانه وتعالى في أمر واجب أو عن أمر واجب كإقامة الحدود أو ترك واجبات. يقول له أبو صلي, يقول أعوذ بالله منك, فلا تأمره بالصلاة. هذا لا يدخل في هذا الباب. Et il y a des exceptions à cela, à cette règle. Comme la personne qui chercherait protection auprès d'Allah, mais dans une chose où elle a une obligation, ou dans une chose qui serait obligatoire, comme un jugement. Non, comme un jugement. La personne est au tribunal et la sanction c'est telle ou telle chose. Et elle dit A'udhu billah. Je cherche protection auprès d'Allah pour éviter la chose. On lui dit non, ça c'est un hukm shar'i. Ou bien il cherche protection auprès d'Allah parce que son père lui ordonne de faire salat. Il dit donc moi, je vais utiliser ce hadith, comme ça mon père ne pourra pas me dire de prier ou me contraindre à prier. Non, ça c'est des droits d'Allah Azza wa Jal et c'est des obligations. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wa man sa'ala billahi fa'a'qu » Et celui qui demande quelque chose au nom d'Allah, répondez à sa demande. Ça c'est le deuxième point du hadith « Wa huwa mahallu shahid » C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce hadith dans ce chapitre. فَمَنْ قَالَ لَنَا أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ أَوْ مَا شْبَهَ ذَلِكَ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِجَابَةِ سُؤْلِهِ Celui qui nous dit par exemple, je te demande par Allah telle chose. Dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de répondre à sa demande. وهذا في تفصيل. Est-ce que dans toutes les situations, nous avons l'obligation de répondre à sa demande? Ça dépend. Ça dépend. في تفصيل. Donc il y a trois ou quatre situations. Il y a trois ou quatre situations. Premièrement, إذا سأل ما به حق. إذا سأل ما به حق. كان يكون فقيرا فيطلب الزكاة. هذا يجب. هذا يجب علينا أن نعطيه سؤلا. Donc si le premier cas, c'est s'il nous demande au nom d'Allah ce dans quoi il a un droit. Ce dans quoi il a un droit. Par exemple, le pauvre qui réclame la zakat. Ça c'est son haq, c'est son droit. Alors nous devons répondre à sa demande. C'est obligatoire de répondre à sa demande. Le deuxième cas, إذا سأل شيئا فيه إثم أو قطيعة رحم أو قطيعة الرحم. هنا لا يجوز. هنا لا يجوز إجابته. لو سأل مثلا مالا لشراء خمر أو خنزير. Le deuxième cas. Et la situation où la personne demande une chose dans laquelle il y a des péchés. S'il nous demande par Allah une chose dans laquelle il y a des péchés. Dans ce cas-là, c'est interdit de répondre à sa demande. Comme celui qui nous demande de l'argent pour acheter de l'alcool. Celui qui nous demande de l'argent pour acheter des cigarettes. C'est haram. C'est haram de répondre à sa demande. Où l'enfant demande à ses parents de l'argent pour aller manger dans des restaurants où la viande n'est pas halal. Non. C'est haram de répondre à sa demande. Puis l'enfant a mémorisé ce hadith et il dit As'aluka billah. Et le prophète sallam a dit Aman sa'alakum billah fa'atou. On lui dit dans ce cas-là, c'est interdit de répondre à la demande. Dans ce cas-là, c'est interdit de répondre à la demande. وإذا طيب الحالة الثالثة للثالث كا إذا سأل غيره بالله ما يلحق الضرر بالمسؤول أو يشق عليه هنا لا يجب هنا كذلك لا يجب أو لا يجب عليه أن يعطيه كما لو سأله مثلا سيارة أو مبلغا كبيرا لا نفرض عليه ماذا يجيبه. Le troisième cas, c'est la situation où la personne demande à l'autre une chose difficile, une grande chose, et il y a une grande difficulté à répondre à sa demande. Par exemple, il lui demande sa voiture. Il lui demande sa voiture. Ou il lui demande une grosse somme d'argent. Ou il lui demande une grosse somme d'argent. Dans cette situation, il n'a pas l'obligation de répondre à sa demande. لأن القاعدة في الشرع لا ضرر ولا ضرار. Parmi les grandes règles dans notre religion, c'est que tu ne subis pas de tort ni ne causes du tort à autrui. Quatrième situation, يسأل ما لا إثم فيه وما لا يشق الإجابة فيه على المسؤول. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإجابة فيه وجمهور أهل العلم على حمل الأمر هنا على الاستحباب ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. La quatrième situation, quatrième cas est la situation où on te demande une chose dans laquelle il n'y a pas de désobéissance, qui n'est pas difficile pour toi, qui n'est pas trop lourde pour toi. Dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté dans ce hadith à répondre à sa demande. Dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente dans ce hadith à répondre à sa demande. Celui qui nous demande par Allah une chose qui n'est pas trop difficile pour nous, et dans cette chose il n'y a pas de désobéissance à Allah azza wa jal, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté à lui répondre. Et la plupart des savants disent que c'est mustahab, c'est recommandé, ça n'est pas une obligation. La troisième partie du hadith, وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا. Et celui qui vous invite, répondez à son invitation. Il a walima, ceux qui nous invitent à un repas de mariage, là c'est obligatoire. Pour autre que cela, c'est recommandé. Pour autre que cela, c'est recommandé. Ne répondre au pas de la walima, c'est wajib, c'est obligatoire, sous condition. Et pour les autres invitations, c'est mustahab. La base, c'est que c'est recommandé. Donc celui qui nous invite à un repas ou autre, كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى طعام ولو إلى شيء يسير كان يحضر ويفرح الداعي. Il faisait partie de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre aux invitations, même pour une chose très modeste. Même pour une chose très modeste, il nous dit, si on m'avait offert ou invité à manger kira, mais c'est la partie de la bête où il n'y a rien, non, la partie de la bête où il n'y a rien, j'aurais répondu à l'invitation. Ou plutôt, j'aurais accepté cela. Il venait, il faisait plaisir à celui qui l'avait invité. Car de recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez soi, c'est un honneur. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il aimait la compagnie des pauvres. Et il disait, le pire des repas et des invitations est le repas de noces, de l'walim. Car on y invite ceux qui ne sont pas dans le besoin et on délaisse. Et on n'invite pas les pauvres et les gens qui sont dans le besoin. Non. Donc celui qui a invité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de répondre à l'invitation. Et la plupart des savants disent que de répondre à l'invitation du repas de mariage est une obligation. Et autre que cela est recommandé. Pourquoi c'est une obligation? Parce que dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Hadith Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. » Celui qui ne répond pas à ce repas-là aura désobéi Allah et son messager. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit et dit: Wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u. Et celui qui vous rend service, le ma'ruf, huwa al-khayr wal-ihsan. Ismun jami'un lil-khayr wal-ihsan. Et celui qui vous fait, qui vous rend service, et qui vous fait un bien quelconque, qui vous fait un bien quelconque, fakafi'u. Et ala ihsanihi bil-mithl. Ou bi khayrin mimma qaddam. Dédommagez-le, rendez-lui la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire rendez-lui la même chose ou meilleure. Quelqu'un t'offre une chose, toi aussi à ton tour offre-lui quelque chose du même genre ou mieux encore. Ou mieux encore, une personne te fait un cadeau, toi aussi fais-lui un cadeau semblable ou meilleur. Voici ce à quoi nous appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cela, il y a une grande sagesse. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le domaine du tawhid, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente à chaque fois qu'on reçoit un bien d'une personne de le dédommager, à notre tour, nous aussi, de lui faire un khair? C'est une façon d'être reconnaissant envers Allah. Na'am. Mais encore. De ne pas s'attacher à la personne. Allahu Akbar. C'est pour que notre cœur se dirige uniquement que vers Allah. Jazakallahu khair. Kalam. Azim had. Athar Nabi. C'est une parole immense. Subhanallah. Indaman. Na'am. تفضل من حسن المعاملة. نعم عند من تفضل pour pas se sentir redevable envers quelqu'un. Veuillez pour conserver التوحيد. نعم طيب. في هذا ملحظ لطيف يتعلق بالتوحيد. من كافأ على المعروف الذي صنع له فقد تخلص من نوع ذل الذي وقع له للمخلوق. Celui qui rend le service ou le bien qu'on lui a fait à la créature, ce sera délivré d'une sorte de rabaissement et d'humiliation. Naam, il se sera sorti de cette situation en lui donnant à son tour quelque chose. Car lorsqu'il t'a donné quelque chose, il avait la main supérieure. Naam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'al yad al-uliya, la main qui est au-dessus, donc la main qui donne, est meilleure que la main qui est en dessous, celle qui reçoit. Lorsqu'il t'a donné, ton cœur penche quelque peu vers lui. Celui qui te fait un rêve, tu sens que ton cœur penche vers lui. Et tu te sens redevable. Peut-être que tu auras du mal par la suite à lui refuser une chose. Cette chose-là, tu veux la laisser que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu lui donnes à ton tour quelque chose et tu vides ton cœur. Ainsi, ton cœur ne reste attaché qu'à Allah tabaraka wa ta'ala à 100%. Et ne s'humilie pour aucune créature. Personne n'a une minna sur toi. Personne ne peut te dire un jour, je t'ai fait telle chose ou ce genre de paroles-là. Toi, dans ton cœur, yani, le lien qawi, il est que pour Allah tabaraka wa ta'ala. L'affaire, tu l'abandonnes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. فالموحد المحقق للتوحيد ينبغي له أن يتخلص ما استطاع من ملاحظة منة المخلوق. Donc le monothéiste qui concrétise le tawhid doit toujours se délier des créatures et faire en sorte que personne n'ait de faveur sur lui. autre que des faveurs religieuses, bien instaurées par Shara. Ainsi, ton humiliation, ton rabaissement sera totalement que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sera totalement que pour Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui viendrait te dire tel jour, je t'ai donné tel cadeau, et tel jour, je t'ai acheté telle chose, tel jour, je t'ai rendu tel service. Non, tu ne seras pas touché. Parce que toi, tu ne vas pas lui répondre comme lui parle avec ce manque de respect, ce manque de tawhid. Tu ne vas pas lui dire, et moi je t'ai fait, et moi kada, et moi kada, là. Non. Mais, tu lui témoigneras ta reconnaissance. Et tu lui rappelleras que c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a fait cela. Mais toi, ton cœur, il restera sain. Pourquoi? Car tu sais que toi, tu lui as donné telle chose, et tel jour tu lui as donné telle chose, et tel jour tu lui as rendu service. Donc il ne pourra pas te rabaisser devant lui. Et faire en sorte que tu lui sois redevable. Toi, tu sais que toutes les faveurs qui sont près de toi ne sont que des dons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce que tu possèdes ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les créatures ne sont que des causes. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais se mettre dans une situation où la personne, où tu te rabaisses devant une créature. Ne te mets jamais dans une situation où tu te rabaisses devant une créature. Autant que possible. Autant que possible. Et n'accepte pas les dons de personnes qui utiliseront cela dans le futur pour essayer de te détourner de la vérité sur laquelle tu es. Ahlul bid'ah, mathalan, les gens de l'innovation, utilisent ce qui penche vers la dunya, min ahl sunnah, ou bien ceux qui sont dans des difficultés, ou bien ceux qui ont des besoins de matériel, ou bien de se marier ou autre, ils leur donnent, ils les rapprochent d'eux, ils leur donnent du matériel, ils lui disent on va te marier, ils lui disent kada, kada, kada. Le jour où il doit s'éloigner de lui, comment est-ce que vous voulez qu'il s'éloigne de lui? Il lui a donné, il lui a facilité le mariage, il lui a donné de l'argent et c'est par sa cause qu'il a eu un appartement. Il n'y a que quelqu'un qui a un tawhid qawi qui pourra se sortir de cette situation. Non. Certains, lorsqu'ils tombent dans l'innovation, ils disent comment est-ce que vous pouvez parler sur nous alors que c'est nous qui vous avons fait, et c'est nous qui vous avons fait, et que c'est nous qui vous avons fait. Subhanallah. Wa ayna Allah. Et où est Allah dans tout ça? Si c'est vous qui avez tout fait, hein? Allah Azza wa Jalla a fait quoi? Sahih? Qu'a fait Allah tabaraka wa ta'ala alladhi khalaqak wa a'taak wa razaqak wa yassara lak? Si c'est toi qui as tout fait, où est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné ta subsistance, celui qui a fait bouger ton corps, ton cœur pour que tu donnes à un tel? Anta nasit Allah, t'as oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ou bien il a un ami qui tombe dans l'innovation. Na'am. Il a un ami qui tombe dans l'innovation. Ceux de Ahlus Sunnah qui ont de petites fautes, ils parlent sur eux. Sahih? Mais son ami, lui, là, qui est tombé dans l'innovation, il ne peut pas parler sur lui. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il est humilié de par les nombreux services que lui a rendus son ami. Donc il n'arrive pas. Il se rappelle tel jour il m'a rendu tel service, tel jour il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Maintenant, c'est un mubtadi', yad'u ila bid'ati. Kayf nata'amal ma'a? T'es humilié. T'es humilié. Et ça arrive dans la da'wah. Ça arrive dans la da'wah. Que des gens se fassent museler par les bienfaits qu'on leur donne. De l'argent, ou bien un pouvoir, ou un statut, ou bien... Je dis oui, mais si je dis ça, je vais perdre telle chose. Ou bien un tel va s'éloigner de moi, ou bien les gens ne vont pas m'aimer. Subhanallah. Si Allah Azza wa Jal ne t'aime pas, à quoi ça te servira que tu sois aimé par la moitié des créatures ou plus? Si Allah ne t'aime pas, les anges ne vont pas t'aimer, les serviteurs pieux ne vont pas t'aimer. Iyadhan billah. Donc ça c'est muhim jidd, de toujours détacher ton cœur des créatures. Il te fait un bien, toi essaye de lui faire un bien. Et si la personne connaît du mal d'elle et qu'elle peut se vanter de ce qu'elle a fait dans le futur, cette personne-là, tu n'acceptes même pas d'elle. À la base, cette personne n'accepte pas d'elle. Naam. Et ça, c'est un des moyens qu'ont les gens de l'innovation de tirer les gens de Ahl Sunna. Ils leur donnent, ils se montrent gentils, ils leur offrent des choses et ainsi de suite. Et un poète a dit: إِذَا رَأَيْتَ نِيَابَ الذِّئْبِ فَلَا تَظُنَّنَّ الذِّئْبَ يَبْتَسِمُ. Si tu vois les crocs du loup, ne pense pas que le loup est en train de te sourire. Sahih? Si tu vois un loup devant toi et te montre ses crocs, tu crois qu'il te sourit? Il prépare son dîner. Hakadha al-mubtadi'. L'innovateur, lorsqu'il te sourit, hein, il te voit comme une proie, comme une victime qui va être au service, hein, à son service pour propager son mal. Na'am. Amma sahib al-sunnah, celui qui est sur la sunna, il n'attend rien de toi. Quand il te parle, c'est pour toi-même. Yad'uka ila Allah, il t'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Yurid laka al-khayr wa jannah, il veut pour toi le bien, il veut pour toi le paradis. Lorsqu'il te donne du temps, lorsqu'il te donne de l'argent, lorsqu'il te donne un sourire, lorsqu'il te donne une science, lorsqu'il te donne un bien ou essaye de t'enlever un mal par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tout ça, c'est pour toi-même. Amma l'innovateur, tout ce qu'il fait, c'est les khidmati bid'ati wa hizbi. C'est au service de son innovation, au service de son parti. Certains voyagent de pays en pays pour faire des quêtes et ramener au chef de l'innovation. Subhanallah. Hein? Comme les mourides, soufis et ainsi de suite. Aux quatre coins du monde, ils vont vendre des choses à droite, à gauche, aux États-Unis, en France, ainsi de suite, sous la tour Eiffel, partout. Et ensuite, ils envoient l'argent, hein, à leur chir. Le chir a une grande maison, deuxième, troisième, ils ont plus de quatre femmes. Adi. Naam. Waqi'ina fi shirk. Ils se font embrasser les pieds. On égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jal auprès d'eux. Subhanallah. Et ils cherchent des disciples. Amma sahib al-sunnah la yaqbal min kan tatadhallal amama. Sahib al-sunnah, il n'accepte pas de son suiveur dans le khayr qu'il s'humilie. Il n'accepte pas. Parce qu'il ne t'a pas appelé pour lui, il t'a appelé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu exagères à son sujet, yunkiru alayk, il te réprimande, il t'éduque, il te corrige. Amma sahib al-bid'ah, c'est lui qui te donne son front pour que tu l'embrasses. Hein? C'est lui qui te... Tu l'appelles mathalan par son nom, il t'engueule. Il te dispute plutôt. Non? Et il te dit, appelle-moi Cheikh Fulan. Ou bien Al-Alim ou Al-Allama, ou bien. C'est un péché de ne pas l'appeler le grand professeur et le grand savant inter. Et tu trouves même des jeunes qui sortent de la puberté, qui se font appeler savant intel, ou shir intel. Wa ajaba. Wa ajaba. Al-Allama al-Muhaddith. الألباني رحمه الله تعالى منع أن يكتب على مؤلفته الشيخ. الإمام الألباني رحمه الله تعالى le grand savant du hadith de notre époque interdisait qu'on écrive شيخ sur ses livres. Interdisait qu'on écrive شيخ sur ses livres. Et des gens qui viennent d'avoir des poils au menton, يعني العلامة العالم, le grand faqih, le grand kaza, le grand muhaddith. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc ça, c'est un chapitre, ou bien c'est une subtilité qu'on doit remarquer. Regarde l'état de ton cœur. Naam, regarde l'état de ton cœur lorsqu'on te donne. C'est pour cela que tout ce que tu peux faire toi-même, demande pas. Ce que tu peux faire toi-même, demande pas. La deuxième faïda, donc la première faïda, c'est de te mettre à l'abri de toute humiliation devant un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui rends, comme ça ton cœur est sain de toute humiliation et abaissement pour la créature. Il y a une deuxième faïda à dédommager la personne, tasji' dhawil ma'ruf. C'est que ça encourage ceux qui font du bien. Parce que si ça ne va que dans un sens, à chaque fois c'est les mêmes qui donnent, ça peut les démotiver. Alors que lorsqu'on leur, yani si on leur donne aussi à notre tour, ben ça va les motiver pour donner à nouveau. Je vous donne un exemple. Tu es invité chez des amis. Il fait un repas. Nous, on n'a pas été éduqués de la meilleure façon, mais après s'être marié, on a, les femmes, elles connaissent ces choses-là. De quoi je parle? Hein? Là, t'es pas marié, toi. Taïb, Mohamed. Jazakallah khair, Mohamed tazawwaj. Tu ramènes quelque chose. Nous, on venait, on mangeait, au kaza, on faisait de doua, on partait. Ensuite, on nous a dit, mais tu vas pas aller les mains vides quand même, mais ça se fait pas, au kaza, au kaza. Naam, t'as raison. Donc, t'es invité, tu viens avec quelque chose. Soit tu questionnes sur les enfants, t'achètes quelque chose pour les enfants, particulièrement si c'est des. Plutôt ça du côté des femmes. Nous, toi tu vas ramener soit de l'argent ou à manger ou un gâteau, ainsi de suite. Le fait de faire ça, la personne elle a dépensé beaucoup pour cette invitation. Ça dépend qui. Hasim, toi tu as amené un dessert, ça l'a allégé. Lorsqu'elle va venir chez toi, maintenant c'est toi qui dépenses. Lui aussi il a ramené un gâteau, ça t'a allégé à ton tour. Ben, maintenant quand tu vas faire une invitation, tu seras motivé pour dépenser parce que tu sais que certains vont te donner comme toi tu donnes. Ça c'est un exemple. Tu vas à une aqiqa, demande sur le sexe de l'enfant et amène un cadeau. D'accord? Amène un cadeau. Et certains ont honte. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, alors ils ont honte d'amener des choses, alors ils n'amènent rien. Hein? Ça, c'est une éducation purement européenne. Le fait de dire, non, mais c'est la honte de donner ça, alors je ne donne pas le prophète. Sallam dit, takunnar wa la bishirkitam. Prémunissez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Tu as la moitié d'une date que tu peux donner en sadaqa, donne-le. Adi. Tu as un kilo de sucre, donne un kilo de sucre. Peut-être qu'avec ce kilo de sucre, Allah Azza wa Jal te sauvera de l'enfer. Et wallah. Le mada, le sucre est déjà ouvert. Et t'as que ça. Prends-le et donne-le. Ma fi mushkila. Si eux ensuite disent, il n'a pas honte, il a donné la moitié kada, c'est que, à la base même, il ne méritait pas ce cadeau. Ou cette sadaqa. Mais toi, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, je ne vous ai pas dit de prendre une bouteille déjà entamée et vous allez... Là, je vous parle dans la situation, la personne n'a que ça à donner. D'accord? N'a que ça à donner. Moi, si tu viens chez moi, viens même les mains vides, ma fille mushkila. Taïe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle ensuite de la situation dans laquelle certains peuvent se retrouver gênés. Laquelle? Il nous dit: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ. Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre le bien qu'il vous a fait, donc ça peut arriver. Quelqu'un t'a offert quelque chose, mais toi tu n'as pas de moyens. Ou quelqu'un t'a fait un bien dans un domaine, mais toi ça n'est pas le tien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la solution: فَدْعُوا لَهُ. Invoquez Allah en sa faveur. Hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Donc vous faites dua pour lui. Vous faites beaucoup de dua pour lui. Jusqu'au moment où vous pensez, où vous allez penser que vous l'avez remboursé. Naam. jusqu'à ce que vous pensiez que vous lui avez rendu l'équivalent du service qu'il vous a rendu. فَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْنَ أَوْ تُرَوْنَ تَرَوْنَ أَيْ تَعْلَمُ تُرَوْنَ تَظُنُّ. Donc jusqu'à ce que vous sachiez ou bien ce que vous pensiez que vous l'avez remboursé. تَجْتَهِدْ فِي الدُّعَى لَهُ. Tu fais beaucoup de dua pour lui en sa présence, en son absence. Mais ça peut être meilleur que beaucoup de matériel. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de grands et nobles caractères. Il nous parle premièrement de celui qui nous demande protection au nom d'Allah. Le fait qu'il nous a demandé protection en citant le nom de l'immense, on lui accorde ce qu'il a demandé. Et celui qui nous demande quelque chose au nom d'Allah, par respect envers ce nom immense, on lui accorde sa demande. Et celui qui nous fait un bien, on le dédommage et on lui rend à notre tour quelque chose. Et si on ne trouve pas de quoi lui rendre, on fait dua pour lui. Le prophète sallam nous apprend à être bienfaisant envers les gens. مناسبه الحديث للباب في الامر باعطاء من سال بالله وعدم رده. Donc l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de donner à celui qui nous demande au nom d'Allah et nous dit de ne pas le repousser. استفاد من هذا الحديث انه لا يرد من سال بالله جلالا لله وتعظيما. On tire de ce hadith que celui qui nous demande par Allah, on ne rejette pas sa demande. On ne rejette pas sa demande en signe de respect pour Allah tabaraka wa ta'ala. Man ista'adha billahi wajabat i'adatu wa daf'u shar'i 'an wa daf'u shar'i 'an. On tire de ce hadith que celui qui cherche protection au nom d'Allah, c'est obligé de lui accorder cela et de repousser de lui le mal. Mashru'iyyatu ijabati da'wati al-muslim li walimatin aw ghayriha. On voit ici que parmi ce qu'on trouve dans notre religion, le fait de répondre à l'invitation du musulman, que ce soit pour le repas de noces, le walima, le repas de mariage ou autre. مشروعية مكافأة المحسن عند القدرة. Le fait de redonner et de refaire un bien à notre tour à ceux qui sont bienfaisants envers nous lorsqu'on a la capacité. Et dans le cas où nous n'avons pas la capacité, en faisant du'a pour lui. En faisant du'a pour lui. Et dans cette situation, la personne doit être intelligente. Selon la personne qui est en face, selon la personne qui te donne, tu te comporteras. Si par exemple c'est une personne de pouvoir qui te donne des richesses et t'offre des choses, d'accord ? Si toi à ton tour tu viens et tu lui donnes, par exemple, il te donne de l'argent, toi à ton tour tu lui donnes de l'argent, ça peut être vu comme un manque de respect. Ça peut être vu comme un manque de respect. Dans ce cas-là, tu ne vas pas toi à ton tour lui donner ça. Non, tu ne vas pas toi à ton tour lui donner ça. Ou bien quelqu'un qui a des moyens t'invite à manger et toi tu lui donnes de l'argent comme si tu payais le repas. Non, Aziz ibn Nafs ma yaqbal. D'accord ? Les croyants ne vont pas accepter cet argent. Ils l'auraient accepté peut-être en cadeau, mais pour le repas tu veux y poser de l'argent. Ce n'est pas une chose que le croyant accepterait. Donc la personne doit s'adapter à la situation. Quelqu'un de pauvre qui a fait un repas et t'a invité. Tu sais qu'il s'est mis dans la gêne pour t'inviter. Dans ce cas-là, tu peux, par exemple, tu caches une enveloppe ou tu caches de l'argent si tu sais qu'il ne va pas l'accepter. Ou bien tu donnes à l'enfant. il aime son enfant, tu lui donnes, tu le mets dans la poche de l'enfant et tu lui dis va donner à ton père, par exemple. Non, ça va le toucher. Non, ça va le toucher. Une ou deux remarques concernant le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَعَقُولُ. Celui qui vous demande par Allah, donnez-lui. يَنْبَغِ لَنَا أَنَّ عَلَمَا أَنَّ الطَّلَبْ مِنْ حَيْثُهُ مَكْرُوهُ أَقَلْ مَا يُقَالْ فِيهَ أَنَّهُ مَكْرُوهُ. Il faut savoir malgré tout que de demander quelque chose, à la base même c'est détestable. Naam. Et celui qui demande de l'argent alors qu'il n'est pas dans le besoin, c'est haram. Naam. Donc le sahib de tawhid, il ne lui convient pas de demander, de tendre sa main. D'accord. Et alors qu'on était encore tout petit, lorsqu'on demandait quelque chose, on se faisait corriger. Lorsqu'on demandait à un invité de l'argent ou autre, on se faisait corriger. À la parole ou physiquement. Naam. Donc il ne faut pas demander. Et il faut éduquer les enfants à ne pas demander aux étrangers. Voilà, même à la famille. Naam. Ne demande pas de l'argent, ne demande pas de pièces, ne demande pas. Elle ne demande rien. Tu l'éduques à demander à Allah Azza wa Jalla. Tu veux quelque chose, demande à Allah Azza wa Jalla et moi je t'achète. Si Allah me facilite cela. Et c'est pour cela que parmi l'allégeance qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam par les compagnons, an bay'u ala alla yas'alu linnasi shay'a. Ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains, de ne jamais rien demander à qui que ce soit. Subhanallah. Au point où après cela, Sahaba disent que l'un d'entre nous était sur sa monture, il faisait tomber quelque chose, le petit bâton ou autre, avec laquelle il dirige sa monture, et il ne demandait même pas à ceux qui étaient à pied. Il arrêtait sa monture, il descendait de sa monture, il ramassait la chose et il remontait sur sa monture. Non. Alors que la simplicité de lui-même, la personne qui est en bas, yani qui marche à pied, va te le remettre. Mais les kamal et tawhid, de par la perfection de leur tawhid, même ça, ils ne le demandaient pas. Et ça, c'est un grand manquement qu'on trouve, ou je parle pour moi-même, du moins, en moi. Wallah musta'an. Et ce hadith dans Sahih Muslim, Hazawf ibn Malik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de demander. Il a interdit à celui qui avait ce qu'il lui fallait pour un jour et une nuit de demander. Pas le droit de demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « L'insan la yazal yas'alu al-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamah yawm al-qiyamah wa ma fi wajhi lahm » أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين ونجد في صحيح مسلم باب كراهية المسألة قبل الله سلم dit les gens ne cesseront de demander jusqu'à ce qu'ils arrivent le jugement dernier sans peau sur leur visage ou sans viande sur leur visage. Ça montre que c'est une kabira, c'est un grand péché de demander alors que tu n'es pas dans le besoin. Deuxième remarque, Ibn Athim rahimahullahu ta'ala nous dit que le fait de répondre à l'invitation, c'est sous condition. L'obligation de répondre à l'invitation, c'est sous condition. Même l'invitation de l'walima. D'accord. Et souvent on nous pose cette question. Je suis invité à une walima, mais il y a de la nécessité. Je suis invité à une walima, mais les gens s'habillent mal. Je suis invité à une walima, mais il y a de la musique. Est-ce que je dois y aller? Mais c'est la walima de mon frère, mais c'est la walima de ma soeur, mais c'est la walima de ma meilleure amie, de mon meilleur ami. Comment faire? Ibn Athim rahimahullahu ta'ala nous dit qu'il y a des conditions pour que ça soit obligatoire et pour qu'on puisse y aller. Ayakun al-da'i al-la-yakun al-da'i min-man la-yajib hajuruh ou yusam. Subhanallah. Ibn Athim rahimahullahu ta'ala nous dit, premièrement, celui qui nous invite ne doit pas entrer dans la catégorie de personnes que nous devons obligatoirement desquels nous devons obligatoirement nous éloigner, leur faire le hajj. Naam. Ou bien que c'est une sunna de leur faire le hajj, ou bien c'est recommandé de leur faire le hajj. Si c'est un mubtadi' qui t'invite, par exemple, ou une personne qui amène une nuisance au deen, des personnes à qui on peut faire le hajj, à la kulli hal, où on doit faire le hajj, dans ce cas-là, tu ne réponds pas à l'invitation. Dans ce cas-là, tu ne réponds pas à l'invitation. Il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. D'autres les fréquentent. Ils disent, non mais moi, je suis intelligent, et moi, et donc, un mois après, tu vois qu'il travaille pour lui. Non. Et lorsque tu le conseilles, il dit, non mais j'ai juste mangé avec lui. Non. Il dit, non mais j'ai juste mangé avec lui. Non mais je ne le fréquente pas. Non mais kada. Quelqu'un qui manque de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que tu peux trouver de l'appétit en sa présence? Hein? Quelqu'un qui manque de respect à Allah tabaraka wa ta'ala, qui innove dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui insulte les sahaba, ou bien qui insulte les ulama, comment est-ce que tu peux trouver de l'appétit en sa compagnie? Te déplacer et rester avec lui, alors que peut-être tu ne ferais même pas l'effort pour une personne de ta propre famille. Hein? الله المستعان الا يكون هناك منكر في مكان الدعوه il ne doit pas avoir un mal dans l'endroit où il y a l'invitation. Puis Ibn Uthaymin développe, il dit, si dans cet endroit tu peux changer le mal, alors tu te rends à l'invitation, tu conseilles les gens pour enlever ce mal. Je vous donne un exemple, il y a de la musique. Tu y vas et tu dis aux gens d'enlever la musique et tu sais ou tu penses qu'ils vont t'écouter. Alors tu y vas. Tu les conseilles, ils enlèvent, tu prends place. Ou bien un autre péché. فَإِنْ أَمْكَنَهُ مَاذَا إِزَالَتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُذُورِ. Donc dans ce cas-là, il me dit, c'est obligatoire de te rendre en invitation pour enlever ce mal. Pour deux causes. Ijabatu da'wa wa taghyirul munkar. Répondre à l'invitation et enlever le mal. Si tu sais que tu ne peux pas changer ce mal, alors c'est haram pour toi de te rendre à cette invitation. Haruma ali al-hudur. Lianna huduruhu yastalzimu ithman aw ithmuhu wa ma stalzama al-ithm fa huwa ithm. Car il dit, en te rendant à cette invitation, forcément tu prendras des péchés. Et la chose qui t'emmène au péché, c'est un péché. Ayakuna da'iya musliman. Que celui qui t'invite soit un musulman. Si ce n'est pas un musulman, ce n'est pas obligé de répondre à l'invitation. Car le prophète sallam dit, haqqul muslim al muslimi sitt. Six choses font partie des droits du musulman sur le musulman. Idha da'aka fa'ajibuhu. Lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Et cette généralité est a été encadrée par d'autres textes. Donc s'il y a un mal, et ainsi de suite. Allah yakuna kasbu maza kasba hada ar-rajul haram. La personne qui t'invite ne doit pas avoir acquis ses biens de manière illicite. Si c'est une personne qui travaille dans le haram, il t'invite, donc tu vas manger du haram. Dans ce cas-là, ça n'est pas obligé de répondre à son invitation. D'autres ont dit c'est haram de répondre à son invitation, car forcément tu vas mettre du haram dans ton corps. Puis Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, cela se discute. Ou bien fait tafsir. Ça dépend. Parce qu'il y a des cas où le haram, il est restreint à la personne, mais il n'est pas haram pour les autres. Certaines personnes ont de l'argent haram ou des biens haram. C'est haram pour eux, car ils l'ont acquis de manière illicite. Mais pour les autres, c'est pas haram. Non, pour les autres, ça n'est pas haram. Il y a ce qui est haram en soi, comme l'alcool, comme le porc. Non, il y a ce qui est haram par des causes. Donc, dans certaines situations, ça sera haram pour la personne, mais pas pour les autres. Mais pas pour les autres. ألا تتضمن إجابة الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب. Ibn Hassan rahimahullah ta'ala nous dit, il ne faut pas qu'en répondant à cette invitation, tu délaisses une obligation, ou bien une obligation plus importante que celle-ci. Donc toi, on t'invite par exemple au Jumu'ah, à l'heure du Jumu'ah. On t'invite à l'heure du Jumu'ah. Et une walima, c'est obligatoire. Mais si tu te rends à la walima, tu rates le Jumu'ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne réponds pas à l'invitation parce qu'il y a une obligation qui est plus importante. On t'invite et tes parents sont malades. Tu dois t'occuper de tes parents. Ce haqq-là, il est wajib. Ce haqq-là, il est awjab. Il est plus important que n'importe quelle invitation. Wallahu musta'an. Et sixièmement, Allah tatadammana dararan ala al-mujib. Il ne faut pas que ça cause du tort à celui qui est invité. Si ça lui cause du tort de répondre à l'invitation, par exemple, on l'invite dans un autre pays ou bien dans un endroit qui est vraiment éloigné de son lieu de résidence, au point où il doit faire un voyage séparé de sa famille et ainsi de suite, à ce moment-là, ça n'est pas obligatoire. Voici pour ce chapitre. On ne repousse pas quelqu'un qui demande quelque chose au nom d'Allah. Pourquoi tout ça? Parce que les musulmans, la chose à laquelle il accorde le plus d'importance et de respect, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on lui cite Allah tabaraka wa ta'ala, son comportement et sa perfection du tawhid fait qu'il ne peut refuser. Le chapitre suivant. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. On ne demande, donc chapitre 55, on ne demande à Allah par son visage que le paradis. On ne demande à Allah par son visage, ou Allah, je te demande biwajhi, par ton visage. Cela, il faut le faire que pour demander le paradis. Voici l'intitulé du chapitre. Wa an Jabirin radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yus'alu biwajhi Allah illa al-jannah. Rawahu Abu Daoud. Jabir radiyallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne demande à Allah par son visage que le paradis. Apporté par Abu Daoud. مناسبة الباب لكتاب التوحيد في تعظيم وجه الله سبحانه وتعالى بحيث لا يسأل به إلا أفضل الأمور الأخروية الجنة وهذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الأوتار رحمه الله تعالى continue dans les chapitres qui permet au serviteur de parfaire la perfection du tawhid, ou bien de rentrer dans le groupe de ceux qui ont parfait le tawhid recommandé. Kamal ou tawhid, la perfection du tawhid. Car il y a une base, des obligations, des perfections. En faisant ou en délaissant certaines choses, la personne atteint la perfection du tawhid. Le fait d'avoir le meilleur des comportements vers Allah Azza wa Jal, ses noms et ses attributs, entre dans ces chapitres. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car on y voit le profond respect accordé aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence ici, son visage. De sorte à ce que le serviteur ne demande par celui-ci, par le visage d'Allah Azza wa Jal, que la meilleure des choses ayant rapport avec l'au-delà. Le paradis et tout ce qui a un rapport avec cela. Fait partie du respect des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas utiliser le visage d'Allah pour demander des choses qui n'ont pas grande importance ou bien des choses de dunya. Le hadith qu'a cité l'auteur Des savants ont dit qu'il était daïf. Les savants ont dit qu'il était faible et d'autres ont dit qu'il était bon. Certains ont dit qu'il était faible et d'autres ont dit qu'il était bon. Du fait qu'il y a Suleyman ibn Mu'adh, wa huwa daïf. Et c'est ce à quoi tend le neveu du shir, Shir Suleyman, celui qui a fait le sharh du Kitab al-Tawhid, Taysir. Et l'imam al-Albani également, rahimahumullah, jami'an, a cité que ce hadith était daif. D'autres ont dit qu'on pouvait l'accepter. Donc l'auteur dit, la yus'alu bi wajhillah. Ou plutôt dans le hadith, on ne demande pas par le visage d'Allah. Il y a deux sens. La yus'alu ahadun min al-makhlouqina bi wajhillah. أي إذا أردت أن تسأل مخلوقا فلا تسأله بوجه الله لا تقول أسألك بوجه الله لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والخلق غير قادرين على إعطاء الجنة نعم فمن ثم لا يسألون بوجه الله Le premier sens est de dire qu'on ne demande pas aux créatures une chose par le visage d'Allah. On ne dit pas à la créature, je te demande par le visage d'Allah de m'accorder telle ou telle chose. Pourquoi ? Car on ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Et la créature n'entre pas dans sa capacité le fait de pouvoir t'accorder le paradis. Donc, on ne demande pas à la créature par le visage d'Allah. On a vu dans le chapitre passé le fait de demander par Allah. Ici, c'est plus spécifique, c'est par le visage d'Allah subhanahu. Le deuxième sens, إذا سألت الله فإن سألته الجنة وما يستلزم الدخول فيها فلا حرج أن تسأله بالجنة أما ما دون ذلك من الأمور الدنيوية فلا تسأله بوجهه الكريم. Donc, le deuxième sens est de dire que si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes quelque chose, si cette chose demandée est le paradis ou ce qui s'y rapporte, alors il n'y a pas de mal à ce que tu lui demandes par son noble visage. Par contre, si tu lui demandes une des choses de dunya, فَإِنَّ وَجْهَهُ أَعْظَمْ مِنْ أَنْ تَسْأَلَهُ بِهِ يعني في الأمور الدنيوية. Par contre, si tu lui demandes une chose de dunya, une chose ayant rapport avec le bas monde, son visage est bien trop immense pour que tu utilises cet attribut ô combien immense pour lui demander une chose basse. Non. Pour lui demander des choses de la dunya. Ce serait comme un manque de considération envers l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant aux choses de l'au-delà, la protection contre le feu de l'enfer, le paradis, pardon des péchés, yani tout ce qui est en rapport avec l'entrée au paradis, alors il n'y a pas de mal. Fattawassul bihadi sifa tawassulun bi shay'in 'azim fala yunasibu hadha at-tawassul al-matlab al-sagheer Ah oui, le haqir. Donc lorsque tu demandes par le visage d'Allah Azza wa Jal, tu vas demander par une chose azim, ajid. Donc ça ne convient pas d'utiliser cela pour demander des choses basses. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم dit c'est celui qui est capable de faire descendre sur vous un châtiment d'au-dessus qui descendrait d'au-dessus de vous ou bien d'au-dessus de vous قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك Je cherche protection par ton visage. Naam. Puis la suite du verset, le prophète m'a dit la même chose. Puis la suite du verset, le prophète m'a dit la même chose. Et lorsqu'on nous a cité les divergences entre nous, il a dit ceci est moins grave. Le shahid, c'est que le prophète sallam dans ce hadith qu'a rapporté le Bukhari, an Jabir, on voit qu'il a cherché protection en citant le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala pour une chose azim. Ibn Uthaymin, après avoir cité les deux avis, a dit لو قيل إنه يشمل المعنيين جميعا لكان له وجه. Et si on disait que ces deux sens sont bons, c'est-à-dire on ne demande pas une créature par le visage d'Allah quelque chose, et on ne demande pas à Allah, yani ni on ne demande pas, ni on demande à Allah par son visage autre que le paradis. Si on dit que ça englobe les deux sens, alors ça serait ماذا, ce serait un bon point de vue. Il y a un hadith qui est venu dans ce sens, qui renforce ce hadith, dans le recueil de, ou bien auprès de Tabarani, an Abi Musa, radiallahu anhu, wa ghayri, mal'ounun man sa'ala, ou man, na'am, mal'ounun man sa'ala bi wajhillah, wa mal'ounun man su'ila bi wajhillah, falam yu'ti. Il y a un hadith qui dit que le prophète sallam a dit, et maudit celui qui demande par le visage d'Allah. Et maudit celui à qui on demande par le visage d'Allah, puis ne répond pas. Celui qui demande par le visage d'Allah aux autres, il est maudit. Et celui qui, lorsqu'on lui demande par le visage d'Allah, ne donne pas, ne répond pas à la demande, ne donne pas suite à la demande, lui aussi est maudit. Mais certains savants ont dit que aussi ce hadith, que ce hadith était aussi faible. Et d'autres ont dit qu'il était hasan, comme l'Iraqi, l'Albani, rahimahumullah. Et s'il est authentique, les savants ont dit qu'on l'expliquera ainsi, en disant que celui qui est maudit parce qu'il demande par le visage d'Allah, c'est dans le cas où il demande des choses qui n'ont pas d'importance. Et il utilise le visage d'Allah en tawassul pour demander des choses de dunya et des choses qui n'ont pas d'importance. Quant à celui qui n'a pas répondu à la demande, alors qu'on lui a demandé par le visage d'Allah, celui-ci est maudit dans quel cas? Dans le cas où il a la capacité de répondre à la demande, et que celui qui lui a demandé a un haqq sur lui. Par exemple, la femme demande à son époux de la vêtir, ou bien de payer le loyer, ou bien... D'accord? Car même si on a une époque où certaines femmes qui payent le loyer, et l'homme, il ne dépense pas, il prend son argent pour aller faire autre chose, mais elle lui demande, ou bien lui dit, tu m'aides à payer, ou bien paye, ou bien casage et des charges, ainsi de suite. Sachez que ça, c'est le haqq de la femme sur Az-Zawj, qu'il dépense pour elle, bil ma'rouf, selon ce qui est connu et selon ce qui est convenable. Amma al-thanawiyya, les choses secondaires et ainsi de suite, c'est pas obligatoire. Et si tu le fais, c'est du ihsan. Ça, c'est la parole des savants, c'est pas la mienne. Celui qui a un problème avec ça, yas'al ahl al-ilm. Taïr. Ici une mas'ala, wajhullah, on trouve dans le hadith le visage d'Allah. Min sifatillahi subhanahu wa ta'ala, al-thabita qat'an fil Qur'an wa fil sunnah, sifat al-wajh. Parmi les attributs connus d'Allah subhanahu wa ta'ala, affirmés de par le Qur'an et de par la sunnah, le visage. قال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. Toute chose est vouée à disparaître excepté son visage. excepté son visage. Wa fil Bukhari, et avant ça, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, en sourate Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite également qu'il a un visage. Et dans Sahih al-Bukhari, on a cité le hadith tout à l'heure, qala a'udhu bi wajhik, cherche refuge auprès de ton visage. وهو وجه حقيقي لا نحرف بل آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراده صلى الله عليه وسلم. Donc lorsqu'Allah nous informe d'un de ses attributs, de l'un de ses attributs dans le Coran, on y croit, on l'affirme et on n'altère pas le sens. Allah nous dit qu'il a un visage. On dit qu'Allah Azza wa Jalla a un visage. Mais on dit, laïsa kamithli shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable, et c'est lui l'audient, et c'est lui le clairvoyant. Donc on affirme pour Allah ce qu'il s'est affirmé pour lui, à lui-même, et on renie toute ressemblance avec ses créatures. Donc le visage est affirmé de par le Coran, de par la Sunna, et le consensus des pieux prédécesseurs. مناسبة الحديث للباب الأوتار رحمه الله تعالى سيسو شابيت pardon سيسو حديث سيسو شابيت car on y voit qu'on ne doit pas demander une chose par le visage d'Allah si ce n'est le paradis. On voit l'interdiction de demander par le visage d'Allah autre chose que le paradis. النفي النهي عن أن يسأل بوجه الله غير الجنة. ما يستفاد من الحديث إثبات الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. On tire de ce hadith l'affirmation du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qui convient à sa perfection, sa magnificence, comme on affirme l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on dit que ce hadith est daif, on ne prendra pas cette affirmation du hadith, mais des autres versets du Coran et des autres ahadith. Quoi qu'il en soit, Alhamdulillah, cet attribut est affirmé dans de nombreux textes. وجوب تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته. L'obligation de témoigner le plus grand respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et envers ses noms et ses attributs. جواز سؤال الجنة والأمور الموصلة إليها بوجه الله والمنع من أن يسأل به شيء من حوائج الدنيا. La permission de demander le paradis et toute chose y menant par le visage d'Allah. Et l'interdiction de demander les besoins de dunya par le visage d'Allah. Voici ce qui nous a été facilité par Allah subhanahu wa ta'ala, comme à l'akramin, concernant l'étude de Kitab al-Tawhid, ces deux chapitres. On ne repousse pas quelqu'un qui demande quelque chose au nom d'Allah. Babu la yurad man sa'ala billah. Bab la yus'alu bi wajhi Allah illa al-jannah. On ne demande pas à Allah par son visage, si ce n'est le paradis. Et du fait que le hadith est daif, savants ont divergé sur cela. Et le fait que le prophète sallam ait demandé la protection par le visage d'Allah, certains savants disent, ça nous montre que il y a une faiblesse dans cela et qu'on peut demander par le visage d'Allah. Wallahu a'lam. Il nous reste 10 chapitres. As-Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yuyassira lana العيش في نعمة التوحيد وتعلم حقيقة التوحيد والعمل بالتوحيد والموت على التوحيد، وأن يجعل آخر ما نتلفظ من هذه الدنيا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بما تعلمنا من التوحيد وحقوقه ومكملاته. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala son aide et son assistance afin qu'il nous permette, de toujours vivre dans At-Tawhid. Qu'il nous permette d'étudier toujours At-Tawhid, de mettre en pratique At-Tawhid, de mettre en pratique ce que nous étudions, qu'il nous permette de finir l'étude de ce livre afin de pouvoir l'appliquer, le propager. Et qu'il nous fasse mourir en pleine soumission, et qu'il nous honore en nous faisant quitter ce bas monde, en ayant prononcé juste avant la dernière, yani, en ayant fait en sorte que notre dernière parole avant de quitter ce bas monde soit La ilaha illallah, la parole du Tawhid. Lorsque la personne étudie, elle doit constamment surveiller son intention. Et sans aucun doute, le croyant se réjouit d'avancer dans l'étude d'un livre. Et lorsqu'il se voit proche de la fin d'un livre, surtout lorsque c'est un livre important, ou bien qu'il y a de nombreux chapitres ou un grand livre, il se peut que Shaytan, ou Aswissoula, il se peut que Shaytan le trouble dans la pureté de son intention. Au point où la personne saute des étapes et ne pense qu'à finir ce livre. Elle en oublie la mise en pratique, la compréhension, le fait de garder les acquis. Non. C'est muhim jidd, c'est très important de faire attention à ton intention tout au long de l'étude. Certains parmi les salafs disaient, je pensais avant qu'il fallait une niya pour étudier un livre. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il fallait une niya pour chaque hadith. Pour chaque hadith étudié, il fallait une niya. Pour chaque hadith écrit, il fallait une niya. Donc nous, nous disons, pour chaque assise, il faut une niya. Pendant l'assise, tu as besoin de renouveler ta niya. Certaines personnes viennent au cours au début pour apprendre le tawhid, pour avoir les récompenses, pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, rentrer au paradis, se voir pardonner ses péchés, connaître Allah pour pouvoir vivre son tawhid, son islam, et prendre le plus grand plaisir dans la mise en pratique des ordres d'Allah Azza wa Jalla. Au fur et à mesure des cours, le copinage s'installe. Il vient parce qu'il va voir un tel. Il s'est lié d'amitié avec un tel. Elle s'est liée d'amitié avec une telle. Wahakada. Et en venant en cours, où est un tel? Où est une telle? Wahakada. On en oublie presque pourquoi est-ce que on est venu. On en oublie presque cela. Puis, on cite du cours que ce qui n'est pas en sujet direct, en rapport direct avec le sujet. Ça, c'est un des signes que tu t'éloignes du maqsoud. Non. Certaines paroles, il se peut que l'enseignant les cite pour alléger le cours, ou pour détendre, ou pour réveiller. Puis il revient au sujet. Non. Si toi, lorsque tu repars, tu retiens que ce point-là, tu as oublié pourquoi est-ce que tu es venu. Alhamdulillah, al-ukhuwa amrun azim wa min al-qurubat allati yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala. Sans aucun doute, la fraternité, c'est une chose qui a la plus grande place dans l'islam. Une chose qu'Allah aime, al-mahabbatu fillah. Le fait d'aimer pour Allah azza wa jal ses frères. Là n'est pas la question. Est-ce que cet amour va te distraire de ce pourquoi est-ce que tu es venu ou pas? C'est ça la question. Non. Et il ne faut pas oublier, ensuite entre vous, les relations, al-ta'awun, al-birri wa taqwa. Vous êtes venus ici, vous êtes unis pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut que cela reste. Il faut qu'il y ait une entraide entre vous. Lui n'a pas le livre, n'a pas les moyens d'acheter le livre, on lui offre le livre. Tu vois, quand elle vient en cours, il n'a pas le livre, dis-lui de ramener le livre. Tu vois, quand elle vient en cours, il est distrait pendant le cours, enseigne-lui comment se tenir dans une assise. Il est nouveau et tu es ancien. Ne dis pas, lui, il s'assied de telle manière ou il s'est allongé dans le cours. Va le voir et dis-lui, oh mon frère, c'est une assise qui est l'assise du paradis. C'est une assise dans laquelle on recherche l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Il y a un comportement à voir. C'est une assise dans laquelle on entend « Qala Allah, Qala Rasulullah ». Il y a une manière de s'asseoir. « Wa hakadha ». Tout là, c'est un. Tu lui donnes le bon conseil. Tu l'éduques. Tu le prends par la main. Tu l'emmènes sur le côté. Tu discutes avec lui. Tu lui demandes s'il va bien. Quand tu vois qu'il est disposé à accepter le conseil, tu le conseilles. Ou tu vois un tel qui vient... Depuis un certain temps, il n'a pas de quoi noter. Non. Conseille-le. Taïb, conseille-le. Ou bien, durant le cours, il discute. Enseigne-lui que pendant un cours, on ne discute pas. Sans besoin. Ou bien, Mada, il s'assied loin de la halqa. Apprends-lui. Yani, quel est le comportement à avoir dans l'assise? Il lui manque un cours. Transmets-lui. Fais-le rattraper. Dis-lui, j'ai du temps tel jour, passe, viens me visiter chez moi, ou bien on se donne rendez-vous au masjid, en avance. C'est ainsi que doit être l'entraide entre vous. Puis, cette entraide, elle doit être mabniya, ala al-hub fillah. Cette entraide doit être basée sur l'amour en Allah. Sur l'amour en Allah. Pour Allah, Azza wa Jal, tu fais la chose. Ce qui fait que lorsqu'il aura quelques mazas, Zeka envers toi, tu ne vas pas le haïr du jour au lendemain, ou bien t'éloigner de lui parce que tu l'as aimé pour Allah. Donc tu vas patienter sur ces quelques nuisances. Tu vas le supporter parce que c'est ton ami en Allah, c'est ton frère en Allah, subhanahu wa ta'ala plutôt. Tayyib. Wa hakadha, ces akhlaqs-là, il nous faut les développer. Puis s'il fait des fautes par la suite, rappelle-toi que tu l'as aimé pour Allah. Et il n'y a que Allah qui a fait que vous soyez unis. Hein? Alors tu vas le conseiller, tu vas lui donner son haqq parce que tu l'aimes pour Allah. C'est un haqq qu'il a sur toi, que tu le conseilles. Tu le vois avec de mauvaises fréquentations, tu le vois s'égarer ou autre. C'est ton frère en Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que tu étais ici avec lui? Parce que tu l'as aimé pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ben tu vas lui donner son haqq. Tu ne vois plus un tel dans l'assise. Sal'an. Où est un tel? Est-ce qu'il est malade? S'il est malade, tu nous informes, on va tous le visiter. C'est trop petit chez lui, on rentre deux par deux. Imaginez que quelqu'un est malade, il n'est connu de personne, mais toi tu sais que lui venait au cours. S'il venait au cours, c'est un talib ilm. Il a une place chez Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce qu'il n'aurait pas de place auprès de nous? Al-malaika tahuffuhu bi ajnihatiha. Les anges abaissent leurs ailes sur lui. Et nous on ne va pas le considérer. Nous, donc tu nous informes de cette personne, même si elle n'est connue de personne, on espère qu'elle est connue chez Allah Azza wa Jalla. Et on va le visiter. S'il n'y a pas assez de place, on rentre trois par trois, deux par deux. Wahakad. Naam. Si ses parents témoignent de cette scène, alors qu'ils n'aimaient pas beaucoup qu'il aille étudier, ils vont se dire, subhanallah, notre fils. Et un tel se déplace pour le visiter. Tous ces gens-là sont venus pour le visiter. Après qu'il... et donner de l'importance à la science, ils vont réfléchir, ils vont aimer l'ilm, ils vont aimer sunnah, ils vont aimer ad-din. Naam. Hakala. Pour la sœur, c'est pareil, elle voit sa sœur qui vient, qui est nouvelle. Elle l'éduque, elle la conseille, elle l'attire vers le bien, birifq, walin, avec douceur, avec sagesse, elle lui fait aimer at-talab, l'apprentissage, la mémorisation, elle l'invite. Elle voit d'elle, par exemple, quelques mauvais comportements. Elle la reprend avec douceur, avec sagesse. Jusqu'à ce que la personne se réforme. Elle met un hijab, par exemple, de couleur qui attire le regard. Elle la conseille. Elle lui offre un hijab shari'i. Naam. Elle l'aide à avancer petit à petit sur le chemin qui mène Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. C'est ainsi qu'il convient d'être en tant qu'étudiant. Qui nous sommes rencontrés, qui, pour Allah tabaraka wa ta'ala,